Il écoute une chanson. 2. Elle parle très bien le français. 3. Elles adorent voyager en avion. 4. Ils mangent très tard. 5. Il habite à Lyon. 6. Elle s'appelle Sophie. 7. Ils écoutent un concert. 8. Ils travaillent à Paris.